Deuxième épisode de preview des Jeux Olympiques, on continue de se lancer dans la compétition qui va commencer dans maintenant quelques jours. Donc le niveau de hype commence tout doucement à monter. Et après le simple dames, c'est au mixte auquel on va s'intéresser aujourd'hui, et notamment notre paire française Tom Jiquel, Delphine Delru. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Je suis comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, salut à tous et bonjour les gars. Et nous ne sommes pas seuls, évidemment, vous l'avez compris, si vous avez déjà écouté notre épisode sur le simple dames des JO, j'espère que vous l'avez fait, sinon il est évidemment toujours disponible. Nous sommes accompagnés par des auditeurs pour chaque épisode, et cette fois, ils sont trois, et donc je vais vous les présenter. On va commencer par Rémi. Salut Rémi. Salut les gars, salut tout le monde. Nous avons Nicolas, a.k.a. Oyo, puisque vous allez voir pourquoi je l'appelle comme ça. Salut Nicolas. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et nous avons un autre Nicolas, voilà pourquoi je disais ça, a.k.a. Coupe. Salut Nicolas, merci d'être avec nous. Merci les gars pour l'invitation. Donc, le format va rester à peu près le même que notre premier épisode, sauf que pour les tableaux de double, il n'y a pas de sortie de poule annoncée, il y a un tirage au sort après les poules, on vous redétaillera ça dans la deuxième partie du podcast, donc on va surtout se concentrer sur les poules, puisqu'on les connaît. Pour rappel, 4 poules de 4, donc voilà, c'est des tableaux très très resserrés avec 16 paires, et même 16 paires, mais vous allez voir qu'en double homme, il y en a une de plus, et en double mix, il y en a une de moins. On va expliquer ça au moment où on sera à la poule concernée. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la composition de cette poule A. C'est celle qui concerne nos Français Tom Jiquel, Delphine Delru, seront donc avec la paire Zheng Wang, les numéro 1 mondiaux, les Coréens Kim Jae-hong et les Indonésiens Rivaldi Mentari. Je vais commencer avec Oyo. Dis-moi, quand t'as vu le tirage de Jiquel Delru, est-ce que tu t'es dit catastrophique, notamment avec Zheng Wang par exemple, ou tu t'es dit ah ça aurait pu être pire? Après, je trouve que le tableau de mixte est assez resserré, donc au final, quel que soit le groupe, je pense que ça a été relevé. En allant dans la poule A avec Zheng Wang, c'est vrai que déjà c'est très relevé. En plus, avec les Coréens Kim Jong et puis Rivaldi Mentari, et je pense que ça va être compliqué, mais moi j'ai envie d'y croire quand même. Ok, de toute façon, Rémi, toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que moi, mon avis, c'est un peu le même. Moi, je me suis dit, il y a une paire imbattable a priori dans la poule, il n'y en a pas deux, donc ça aurait pu être pire, mais du coup, il va falloir quand même sortir deux gros, gros, gros matchs si tu veux taper Kim Jae-hong et Rivaldi Mentari en quelques jours. Qu'est-ce que tu en penses, Rémi? Oui, c'est sûr, quand j'ai vu la poule sortir, je me suis dit que t'es obligé d'aller limite à l'exploit dès les premiers matchs si tu veux sortir de poule, quoi. Parce que c'est quand même très, très relevé, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer. C'est que, avec ce tirage intégral, tu peux avoir beaucoup de chance. Mais bon, avec 16 paires, t'as forcément ce qui se fait de mieux. On n'est pas encore dans les prédictions. On va vous sortir ça, évidemment, pour chaque poule. On va donner tous les 5 nos deux paires qualifiées, nos deux paires éliminées. Coupe, je finis par toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Moi, je vais compter sur l'effet JO en France, hein, clairement, pour y croire. C'est clair que sur le papier, la poule fait pas rêver. Quoi. C'est un peu difficile de faire pire quand même comme tirage. Mais vous allez voir, je reste optimiste pour notre paire française. Benoît, toi, je vais pas te demander ton avis sur le tirage, mais je vais plutôt te demander ton avis sur Jiquel Delru. C'est vrai que Coupe parlait de l'effet JO, c'est vrai que si on se tient au-delà de cet effet JO, si on regarde juste leurs performances récentes, à part un petit ce rayon de soleil aux IFB, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la moins bonne paire de la poule, je pense, sur les semaines, voire les mois qui sont passés. Toi, Benoît, est-ce que tu crois un peu à cet effet JO, ou alors tu penses qu'on aura les Tom et Delphine qu'on a vu beaucoup de fois, malheureusement, récemment? Bah, je suis comme Coupe, moi j'ai envie d'y croire parce que parce que en France ils ont pas toujours su s'en sortir, mais aux derniers IFB c'est peut-être leur meilleur tournoi récent, et derniers IFB c'est vraiment ouais, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. De toute façon, on l'a pas dit, mais en vrai ils ont cette poule aussi parce qu'ils sont chapeau 4, Tom et Delphine. Quand tu regardes les autres poules, enfin, oui, ils auraient pu avoir mieux, mais en fait, en étant chapeau 4, tu t'exposes tout de suite à avoir quasiment 3 paires du top 10 mondial, ou quasi. Et ouais, en fait, j'ai envie d'être optimiste, mais presque mon seul espoir, c'est l'effet à domicile, alors que ça devrait être le seul espoir, ça devrait être le niveau de Tom et Delphine, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de certitude. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je me dis qu'on sait que c'est une paire, surtout Tom, je pense, qui aime bien jouer dans une grosse ambiance. Leur meilleure performance récente, je l'ai dit, c'est aux IFB dans la même salle. Ça peut donner, un peu de baume au cœur aux supporters français, on va dire, même si j'ai du mal à me convaincre moi-même. Voilà. Donc on va passer au classement qu'on attend de cette poule. Qui veut commencer? Tiens, Benoît, montre l'exemple et dis-nous ton petit classement pour cette poule. Pour moi, il n'y aura pas de surprise dans cette poule. En fait, chaque paire sera à sa place. Moi, je vois bien Zheng Wang sortir assez facilement et Kim Ji-hong sortir aussi deuxième assez facilement. Je vois Rivaldi Mantari 3 et je vois Tom et Delphine, malheureusement, ne même pas gagner un match au jeu. Ah, donc ouais, tu disais que tu voulais y croire juste avant, mais en fait, tu n'y crois pas trop. J'ai envie d'y croire. Si j'ai bien compris. Ouais, j'ai envie d'y croire, mais en étant très objectif, on les a pas vus depuis pas mal de temps. Y a des raisons à ça, mais leur niveau qu'on a vu, quand on les a vus, c'était pas ouf. Devant eux, il y a quand même trois paires pas dégueu. Donc ouais, moi, je pense que ça va être compliqué, même si j'espère que l'effet Paris peut changer tout ça. Coupe, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton classement pour cette poule A? Alors, je pense qu'elle n'est pas si simple. On pourrait penser Zheng Wang et Kim Ji-hong. Peut-être pas, hein, parce que quand on regarde comme les match-up notamment, j'ai vu que Rivaldi Mantari menait 2-0 face aux Coréens. Ouais. C'est à noter. Hein, et aussi... Kim Ji-hong même quand même un bon ratio de 3-3 face au Chinois. Hein. Je me rappelle d'avoir vu les taper à Rennes en fin d'année dernière. Yes. Donc énorme match. Est-ce qu'il n'y aurait pas des surprises à attendre de cette poule? Les jeux sont peut-être pas faits. Mais moi, je reste dans ma lignée là. Je vote Zheng Wang et Gilles Delorieux, parce que je pense qu'il y a quand même un peu moins de pression maintenant sur eux qu'il y a encore quelques mois, parce que le niveau se resserre un petit peu. Il y a des joueurs français maintenant qui arrivent dans les top 30 et qui sont aussi du coup un peu mis en avant et retirent peut-être un peu de pression à Gilles Delorieux. Peut-être moins qu'à Tokyo aussi, c'est ce que je me faisais cette réflexion. On attend peut-être un peu moins avec leurs résultats récents. Oyo, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton classement de ce groupe? Alors, de mon côté, en fait, je rejoins un peu Coupe. Après les premiers, je pense qu'on est presque tous d'accord, ça va être Zheng Wang. Et ensuite, moi, je vois bien J.K. Delrue sortir de poule. Après, il y a eu une confrontation avec Kim Ji-hong, ça date un peu, mais je crois que ça remonte à la Sudirman, si je ne fais pas de bêtises. Ouais. Et c'était assez serré, il me semble, de mémoire. Et là, je vois bien avec l'effet JO, je vois bien J.K. Delrue transcendé par le public, quoi, et remporter ce match-là. Et après, effectivement, il y a aussi Rivaldi Mantari, mais qui sont un peu plus faibles que les Coréens. Mais je les vois aussi les passer. Voilà. Donc ça serait okay. Zhang Wang premier, J.K. Dalou deuxième, Kim Jong troisième et Rivaldi Mentari dernier. Ok, c'est intéressant, tout le monde a un peu des sentiments un peu différents. Rémi, quel est le tien? Bah, comme tout le monde, pour les premiers, quoi, Zhang Wang, votre champion oui. est intouchable. Après, moi, j'aurais mis en deux Rivaldi Mentari. Ok. Je pense que Tom et Delphine ont beaucoup de mal à jouer contre les Indonésiens. Donc, je pense qu'au pire, ça fera un gros match en 3-7, mais ils le perdront. Donc, je mettrai Tom et Delphine 3e et Kim Jeong 4e, victoire de Tom et Delphine sur Kim Jeong. Bah c'est marrant que tu parles en dernier parce que moi j'allais dire exactement, j'ai le même classement que toi Rémi. Je trouve que Rivaldi Mentari, ils finissent bien ces derniers mois, ils sont 13, donc juste devant J.K.L. Delru. Je trouve qu'ils ont fait une grosse qualif parce que bah, leur place pour le coup, elle était très très loin d'être assurée. Donc je les trouve vraiment pas mal. Kim Jeong, c'est vraiment pile ou face, je trouve. Donc là, je vais plutôt miser sur le fait que ce sera face et qu'ils vont pas être bons. Et je pense que Tom J.K.L. et Delphine Delru peuvent peut-être sur un match en gagner un, donc en l'occurrence contre Kim Jeong, mais que ça passera pas pour les autres. Donc voilà, Zeng Wang, Rivaldi Mentari, J.K.L. Delru, Kim Jeong pour moi, comme Rémi. Et je vous rejoins. Benoît, tu voulais réagir? Ouais, en fait, je suis pas aussi optimiste que vous, mais il y a un truc sur lequel je vous rejoins et que vous avez quasiment tous mentionné, c'est la pression. Parce que alors à Tokyo, c'était leur premier jeu, ils étaient en bien meilleure forme. Et surtout aujourd'hui, médiatiquement, presque on attend plus Anne et Margot en double dame, voire forcément évidemment Tommy en simple homme. Et finalement, Tom et Delphine, ouais, bien sûr qu'on les attend parce qu'ils sont top 15 mondiaux, mais en fait, on les attend pas en tant que sauveurs du bat français, alors qu'à Tokyo, c'était clairement ça. Ouais, c'est clair. Et pour le coup, ça n'avait pas été le cas, donc... Donc ça va être là, ils arrivent dans une position pour moi qui est totalement, totalement différente. On va passer à la... Vas-y. Pour moi, ce qui me fait peur sur la paire Tom et Delphine, c'est Delphine en fait. Tom, il joue en France avec le public, je sais que ça a le boosté. Mais ce qui me fait peur, c'est le jeu de Delphine au filet sur le fond de court qui en ce moment est pas terrible. Quoi. Surtout qu'on les a pas vus depuis les Europes. Donc... Ouais. Quel niveau de jeu ils vont arriver au JO, quoi. Déjà, à quel niveau physique elle arrive, parce que... Ouais, non. Est-ce que tu penses que c'est plus du mental qui lui manque, en fait, quand elle baisse de régime, on va dire, pendant les matchs, ou quand elle perd deux points d'affilée, on sent, en fait, qu'elle baisse un peu les bras? Pour moi, c'est un manque de confiance en elle, je pense. Je pense que le fait qu'elle loupe quelques volants, une série de deux, elle fait deux, trois fautes directes, bah, elle perd confiance en elle. Et si vous regardez bien sur les matchs qu'on a vus, où là, elle fait des fautes, bah, elle cherche à jouer autre chose. Et elle se trompe des fois où elle va se compliquer la vie, alors qu'elle peut jouer beaucoup plus simple, quoi. Et elle a du mal à garder le filet, lorsque prendre le filet, c'est la base sur le mix, quoi. Moi, je pense qu'il y a un aspect physique aussi. Je pense qu'elle n'avait pas assez confiance en sa propre condition physique. Je pense qu'elle a été quand même beaucoup blessée et qu'on l'a quand même rarement vue à 100% et très souvent strappée sur les dernières sorties. Je pense que ça doit jouer un peu parce que c'est pas quelque chose auquel elle nous avait habitués avant. Donc, je pense que ça doit un peu jouer quand même. La victoire aux Europes doit quand même aussi leur donner de la confiance et ôter un peu de pression, parce que c'est-à-dire, comme je pense, un des objectifs quand même importants de l'année, il est validé. Carrément, ouais. Ouais. Alors que, bon, on l'avait dit dans l'épisode, mais dans le contenu, ils n'avaient pas été excellents, mais c'est au moins la victoire, elle est au bout, quoi. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter sur les Français ou sur cette poule? Non. J'en déduis que non. On va donc passer au groupe B. I'm the bad guy. Take that! Bon, évidemment, on va aller un peu plus vite sur les autres groupes, puisque celui-ci concernait le groupe A concernait les Français, surtout que le groupe B, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars, mais Le classement est peut-être encore plus facile même plus facile à deviner, je pense, puisque on a deux grosses paires avec Seo, Shae, notamment les têtes de série 3, les champions du monde, et Poivre à Nucro, Taira Tanachai, les anciens numéro 1 mondiaux thaïlandais. On a avec eux Koseila et Tanina Mameri, la paire algérienne, et ensuite la paire hollandaise Tabeline Peak, toujours au rendez-vous sur ce genre de compétition, toujours présent en tout cas. tiens, on va faire l'ordre inverse. Je vais commencer par Rémi. Est-ce que les deux paires qualifiées de cette poule, c'est déjà décidé à l'avance, ou est-ce que, notamment, j'imagine, Tabeline Peak peuvent s'inviter dans la danse? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va jouer sur Tabeline Peak et les Thaïlandais. C'est un gros match pour la deuxième place. Je vois bien Seo Shae premier d'office. Et je pense que ça a joué là-dessus, parce que Tabeline Peak ont fait quand même une bonne saison, mais moins bien en fin de saison. Donc, je pense que ça va être un peu le pile ou face, on va dire, quoi. Donc, pour moi, je mettrais Seo Shae premier, Thaïlandais deuxième, Tabeline Peak troisième et Mameri quatrième. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les deux dernières confrontations entre les Thaïlandais et les Hollandais ont tourné dans le sens de Tabeline Peak, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Poivre à Nucro, Taira Tanachai, qui eux aussi ont vivent une saison assez chaotique et assez moyenne. Oyo, qu'est-ce que tu en penses? Je vous rejoins un petit peu. Après, on sait que Seo, lui, il joue deux tableaux. Bon, après les phases de poule, je pense que ça va le faire quand même. Donc, je les mets premiers, les Coréens. Ensuite, oui, les confrontations entre les Thaïlandais et Tabeline Peak, comme tu disais, ça a basculé en faveur des Hollandais. Mais moi, je mettrais quand même les Thaïlandais deuxième. Je pense qu'ils sont bien revenus récemment en termes de niveau. Alors qu'ils avait un petit passage à vide, je les sens bien pour les JO. Et puis, en quatrième, Mamia. Ok. De ton côté, Coupe, quel classement tu vois pour cette poule? Sans surprise, Seo Shae devrait quand même sortir sans trop de problèmes de la poule, hein, pour moi. Après, effectivement, en balance aussi, comme les autres, les Thaïs et les Hollandais là qui tiraient la bourre pour cette deuxième place. J'ai envie de jouer européen aussi une nouvelle fois comme avec Tom et Delphine, avec Tabeline Peak qui effectivement savent gagner contre les Thaïlandais et qui vont aussi en Europe et qui ont la capacité à faire, même si je trouve que Tabeline, des fois, peut un peu ne pas être très clutch sur la fin de match, quoi. On a vu des victoires à portée de bras et sur des gros matchs, et là où il a complètement craqué. Donc, est-ce que sur un match en 3-7 serré, est-ce qu'il aura les épaules pour aller tenir le choc? Voilà, à voir. Bah tiens, je vais le faire, et après Benoît ce sera à ton tour. Moi je suis un peu biaisé par le fait que j'aime bien Poivre à Nucro, Taira Tanachai. Je vais prendre un petit risque et dire qu'ils vont sortir le bleu de chauffe et sortir premier de cette poule. Je pense qu'ils vont pas être en danger contre Tabeline Peak. Et il y a eu des matchs serrés contre Seo Shae récemment. Ils les ont quand même battus 10 fois, donc c'est quand même pas. Ils mènent 19 dans les confrontations, même s'ils n'ont pas gagné les dernières. Ils savent comment faire. Donc je vais dire premier. Seo Shae qui vont. Mais j'annonce Seo Shae qui vont être médaillés quand même. Hein. Je pense qu'ils vont être la paire que personne ne veut prendre quand ils sortiront deuxième. Donc Seo Shae 2, Tabeline Peak 3 et Mameri Mameri 4. Voilà Benoît, maintenant que t'as bien rigolé à ce que je viens de dire, on t'écoute. Ben moi je vois un peu la même chose que vous quatre, que vous trois pardon, sauf toi Ewan. Nice. Ouais, fallait s'en douter que je voyais pas les tailles premiers, et moi je les vois ne pas sortir de poule. Je vois un peu le scénario où Seo Shae vont, enfin en fait comme vous trois juste avant, mais comme Seo Shae vont être assez facile ou en tout cas avoir un peu de marge. Et je vois bien un gros duel entre Poivara Nucro, Tairata Nachai et Tabling Peak. Et franchement, Tabling Peak, à Tokyo, ils avaient tiré une poule des enfers de mémoire. Ils étaient dans la poule de Zeng Wang. De Zeng Wang, j'ai un doute. Peut-être pas, mais ils avaient une poule assez vénère. Et ouais, si Zeng Wang et Seoshae, pardon, j'étais en train de vérifier. Mais du coup, là, je pense qu'ils vont pas rater l'occasion d'avoir une poule, entre guillemets, un petit peu plus accessible. Et je vois un match ultra serré, mais je pense que c'est eux qui vont sortir les tailles. Ok, d'accord. Mais du coup, on voit quand même 4 scénarios. On voit quand même 4 scénarios hyper serrés entre ces deux paires, quoi. C'est vrai. Et Rémi, je sais plus si tu avais dit ton classement, tu avais annoncé que ce serait serré entre Tabling Peak et Poivara Nucro Tairata Nachai. Est-ce que tu as dit le vainqueur? Je sais plus. Ou est-ce que tu peux nous le rappeler en tout cas? Si, oui, j'avais dit le vainqueur. J'avais dit Seoshae premier, Letaille deuxième, Tabling Peak troisième. Et ma mari, quatrième, mais avec un gros match hyper serré entre les Thaïs et les Hollandais. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est le plus probable, en tout cas. Je crois peut-être un peu trop en Poivara Nucro Tairata Nachai, mais allez, je décide d'y croire encore et de potentiellement être déçu à la fin. On va tout de suite passer au groupe C. Et le groupe C, avant de vous donner la parole, j'ai une petite explication à donner, puisqu'il y a 3 paires et non 4. En l'occurrence, les 3 paires, c'est Watanabe Higashino, les Japonais sont tête de série 4, médaillés de bronze à Tokyo. On a les Taïwanais Ye Li, tête de série 10, dixième mondiaux, et Tang Tse, les Hongkongais, septième mondiaux. La quatrième paire qui devait composer cette poule C, c'était Christiansen Boye, les Danois, onzième mondiaux, mais ils ont récemment annoncé, et quand on enregistre, c'était il y a genre 2 jours, donc c'est très très récent, qu'ils déclaraient forfait, puisque au Danemark, en fait, pour expliquer rapidement, il y a une règle très stricte pour les qualifier aux Jeux, où en gros, les 3 mois avant les Jeux, ils doivent quasiment donner leur emploi du temps et dire où ils seront à telle heure, etc. Et Mathias Christiansen a fait 3 fautes, on va dire, donc 3 fois il n'était pas à l'endroit où il était censé avoir, il était censé être, et en fait ces règles sont mises en place pour éviter le dopage des athlètes, donc là il n'y a pas de, on ne sait pas s'il s'est dopé, mais en tout cas il a 3 fois il n'a pas respecté la règle, et du coup pour éviter une suspension de la fédé danoise, il a donc décidé de se retirer et donc entraîner avec lui forcément sa partenaire Alexandra Boye. Benoît, est-ce que j'ai à peu près résumé ou tu veux ajouter quelque chose sur le sujet, à part que c'est très très bête, Mathias Christiansen qui se met lui-même dans la sauce puisqu'il passe à côté d'un truc énorme, mais il met aussi sa partenaire qui est aussi sa partenaire dans la vie d'ailleurs, Alexandra Boye, dans le même sac, et c'est quand même triste pour cette paire qui a largement le niveau pour y être, de pas aller au jeu. Bah franchement, je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus, mais perso, moi franchement, je suis un peu saoulé, de l'attitude, et franchement, pour moi c'est un manque de professionnalisme, hein. Dans d'autres sports, on serait tombé sur les gars, genre c'est juste pas possible, tu connais les règles, tu vas au jeu, alors soit il y a une réelle histoire de dopage derrière, et à ce compte-là, bah du coup, ça peut s'expliquer, soit vraiment, t'es un putain d'amateur alors que t'es top 15 mondial, parce que je veux dire, c'est pas de l'inadvertance à ce niveau-là, ils sont habitués à ce genre de trucs, et surtout bah tu connais les règles de badminton Danemark, donc c'est pas une surprise, donc un peu gavé par ce qui s'est passé. Ouais les gars, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut réagir à ça? Non, parce que c'est dommage pour la poule, hein, parce que ça faisait quand même un beau quatuor là dans notre poule C. Et qui n'en reste pas moins équilibré, je pense. Mm. Et voilà, ils vont quand même. Ça fait quand même bizarre de ne pas avoir une paire danoise sur un mixte au JO. C'est clair, parce qu'on va en parler juste après, mais pour moi c'était, après le tirage, la poule la plus incertaine, et ils avaient un vrai coup à jouer, hein, Christiansen et Boye, et je le précise du coup, comme c'est arrivé après le tirage au sort, la BWF a expliqué qu'ils ne pouvaient pas avoir de nouveaux tirages, et donc pas de nouvelles paires qui peut les remplacer, donc il n'y aura que 3 paires, c'est vrai que c'est un peu dommage pour tout le monde, surtout que voilà, ouais, c'était des matchs qui étaient très... très alléchant, mais bon, ça reste une poule sympa et assez ouverte, effectivement, puisque, voilà, je répète, il n'y aura donc que Watanabe Higashino, Ye Li et Tang Tse, et Tiens, je vais commencer par Oyo. Dis-moi ce que tu vois dans cette poule pour le classement et un peu la dynamique. Watanabe et Higashino, a priori, partent favoris, mais ils n'ont pas toujours été excellents cette saison. Et ils sont, pour le coup, avec deux paires qui font une bonne saison. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Alors, dans ce groupe C, je suis assez mitigé. Je ne sais pas trop où on va avec Watanabe et Higashino, parce que tous deux, ils reviennent de blessures. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas un niveau qu'on leur connaît, en fait. Mais c'est quand même chouchou, en fait, parce que j'ai bien envie de les mettre premier de poule, quand même. On va dire que je pense qu'ils vont gagner leur match. Peut-être dans la douleur, mais je les vois sortir premier. Après, sur les deux autres paires, je pense que ça va être très très, très serré. J'ai quand même mis Tang Tse, je pense, en 3-7, qui vont battre Yeli. Mais ouais, c'est enfin vraiment. Quand tu me parles de Watanabe Higashino, c'est vraiment. Je peux pas les sortir, quoi. Non, mais il y a la raison, mais il y a le cœur qui parle aussi. C'est normal. Tu vois Watanabe qui te met des coups avec des angles vraiment inimaginables. Enfin, tu peux pas. Je pense que. J'espère en tout cas en voir pas mal de sa part. Bah, c'est clair, je pense qu'on espère tous. Coupe, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'on n'est pas sûr du tout du résultat de poule. Hein. Elle est vraiment, effectivement, je confirme, dure à analyser, compte tenu de l'état de forme de Watanabe Higashino, et puis d'une saison quand même en forme de montagne russe. Ils ont gagné de mémoire le Malaysia Open, la finale au Lindland. Sinon, c'était assez pourri comme saison pour eux, j'ai trouvé, par le poste mondial, hein, depuis le début d'année. Et voilà, ils ont déjà eu des difficultés aussi par le passé contre Yeli. Donc c'est pas gagné d'avance et on pourra avoir peut-être le gros upset du tour préliminaire sur cette poule. Néanmoins, je vais quand même voter Watanabe Higashino et Tang Tse sur cette sortie du groupe. Et donc, il ne reste que toi, Rémi. Ton classement sur cette poule qui, voilà, comme les autres l'ont dit, a raison, je pense, c'est quand même très très indécise et pas du tout facile à analyser. Alors, moi, je vais bluffer tout le monde. Je mets premier Yeli, wow. Et ça va être la paire. Il va nous bluffer pendant ces JO. Donc je les vois même fermer l'œil, on verra ça après. Wow. Yeli, premier, Watanabe Higashino, deuxième, donc c'est troisième. Mais je sais pas si Yeli vont nous choquer, mais toi tu nous as choqué direct en tout cas. Benoît, il s'en est toujours pas remis. mais je vais quand même me tourner vers toi, Benoît. Qu'est-ce que tu penses non, de mais cette poule? Je pensais déjà que j'allais être traité de grand malade, parce que moi je les vois sortir de poule à Yeli. Mais alors là, les annoncer premier et médaille, Rémi, je trouve ça pas si déconnant en vrai quand on y pense, parce que Yeli, c'est une vraie paire poil à gratter de ouf, et surtout qui a progressé, genre c'est plus juste une paire poil à gratter, je trouve, ces derniers mois. Et ils ont embêté Watanabe Higashino déjà, je crois qu'ils sont à égalité aux confrontations directes. Moi, je les vois bien sortir, mais je vois quand même les Japs premiers. Et je pense que ceux qui vont faire les frais de tout ça, c'est Tang Tse. Parce que Tang Tse, je sais plus combien il y a contre Watanabe Higashino, mais ça doit être 15 ou 16-2 dans les confrontations. Et je les vois pas les battre au jeu, en fait. Et Watanabe Higashino, il y a un paramètre aussi que j'ai en tête, c'est que bah, je pense que Tokyo, oui, ils sortent de poule premier et tout, mais c'est un échec, clairement, pour eux. Et malgré la forme des derniers mois, ouais. Moi, je pense Watanabe Higashino 1 et Yeli 2. Moi, j'ai le même classement. Très, très dur à dire. J'hésitais à les mettre premier ou dernier. Ah, c'est dur. Hein. Je vais les mettre dernier parce que je pense que leur pic de forme est arrivé un peu trop tôt. Ils étaient très, très bons en Europe il y a quelques mois, mais c'est un peu retombé en fin de qualif, même s'ils ont continué d'être assez solides. C'était plus trop des demi-finales finales, quoi. Donc, et Yeli, par contre, ils sont en progression quasi constante. Hein. Franchement, ils deviennent impressionnants. Donc voilà, comme vous l'avez tous dit, très, très dur à voir. Mais je vais mettre du coup Watanabe Higashino dans la douleur premier, Yeli deuxième, Tangtse troisième. Mais ouais, dommage de ne pas voir Christiansen Bouilleux qui, malgré ce qu'on a dit sur cette poule, avait quand même une carte à jouer, je pense. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette poule C? De mémoire, Tangtse a joué la médaille hein, sur les derniers JO. Ils ont pu finir quatrième, si je dis pas d'erreur. Voilà, donc c'est une paire qui a quand même une expérience de cette compétition. Ah oui, je suis d'accord avec toi, oui, ça c'est sûr. Ouais, ils perdent contre Watanabe Higashino pour le bronze, mais je suis totalement d'accord avec vous, et c'est pour ça que, franchement, si on m'annonce Watanabe Higashino qui sort pas de cette poule, j'aurais été peu surpris, et même dans une poule à 4, je pense qu'il y avait vraiment zéro match à rater, enfin, il n'y a pas un match où on se dit, ouais, là je me lève pas, ou là je le regarde pas. C'est vraiment, à 3, elle est bien cette poule, mais à 4, elle aurait été folle, très clairement. Ouais, c'est hyper homogène. Mmh. En fait, ouais, tout le monde peut sortir. Ouais, c'est ça. Carrément. En fait, tout le monde a moyen d'être premier. C'est même pas d'être deuxième ou autre. C'est vraiment tout le monde peut être premier si vraiment ils sont tous dans leur meilleur moment, quoi. Ah, ouais, attention aux 7 avérages et tout dans cette poule. Ça peut compter. C'est clair. C'est clair que chaque point va être important, chaque 7 encore plus. Donc franchement, ça va être passionnant. Et en plus, si tu sors, tu auras le petit avantage d'avoir un match de moins dans les jambes, donc ça peut compter, on verra quand on parlera des sorties de poule. Peut-être du niveau un peu plus bas dans cette poule D, vous allez me dire ce que vous en pensez. On a quand même les deuxièmes mondiaux Feng Wang, donc je rappelle Wang Dongping tenante du titre avec son ancien partenaire Wang Liu. Il sera donc accompagné des Malaisiens Chen To, qui sont 9e mondiaux, et Tan, les Singapouriens, seront de la partie, sont 18e mondiaux. Et la dernière paire, c'est les Américains Chiu Gai, qui vont, a priori, passer un moment un peu compliqué, puisqu'ils sont 30e mondiaux, ils sont quand même pas mal derrière. Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Alors, clairement, la poule en elle-même, par le niveau, me hype beaucoup moins, mais je pense que c'est beaucoup moins clair que ce qu'on pourrait imaginer. Je vois Feng Wang très clairement devant. Par contre, derrière, encore une fois, moi je pense que la paire numéro 2 de cette poule, donc qui est Chento, ne sortira pas. Ethan, c'est vraiment cette paire qui, sur un match, peut te poser un nombre de problèmes incalculables, et je pense franchement que c'est eux qui... Bon, j'avoue, je les aime bien aussi, mais je pense vraiment qu'ils vont être capables de sortir les Malaisiens dans cette poule. Je vois pas les Américains capables de rivaliser, mais je vois vraiment un gros duel pour la deuxième place, et je suis curieux de savoir si vous voyez tous les Malaisiens ou pas forcément. Bah, je pense que ça va être... Je pense que ouais, c'est un peu comme la poule B, c'est-à-dire que le premier et le dernier, c'est à peu près clair pour tout le monde, je pense. Mais là, ça va être le match à voir. Effectivement, ça va être Chento contre Ethan. Coupe, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu confirmes déjà ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le premier, que les Américains sont bien en dessous, les Chinois bien au-dessus, et donc si jamais c'est le cas, qui tu vois s'imposer entre Singapouriens et Malaisiens? Moi, je vote plutôt Chento. Effectivement, bon, Feng Wang, il y a pas débat. Et Chento paraît mieux armé. Que Ethan pour aussi dans la compétition. J'ai peut-être de la mémoire courte, mais j'ai pas mémoire de grosses pertes de Ethan récentes. Moi, je reste sur les Chinois et les Malaisiens. D'accord, bah c'est vrai que les Singapouriens font pas une fin de qualif excellente, mais Chento, c'est pareil, ils ont été meilleurs hein, ces derniers temps. C'est pas non plus grandiose. Rémi. Ouais, bah, je pense qu'un peu comme tout le monde, sauf comme Benoît qui a perdu la raison, je dirais. Feng Wang premier, Shento deuxième. C'est clair, je vois peut-être Ethan vont peut-être les embêter Shento un peu, mais je vois quand même Shento largement devant. Après les Américains, c'est hyper compliqué. Ça fera de bonnes petites vacances sur Paris. Donc, bon souvenir. C'est vite fait. Voilà. Après avoir si Feng se fait pas pourrir par sa partenaire parce qu'il est pas dedans. Donc on sait jamais. Ouais, mais elle le rend meilleur, c'est ça qui est trop fort avec Wang Dongping, c'est qu'elle lui dit allez, maintenant tu t'enfiles le bleu de chauffe, et lui il le fait. Donc c'est fantastique finalement, la partenaire qu'on aimerait tous avoir. Oyo! Alors de mon côté, bah, un peu comme tout le monde aussi, les Chinois ils vont sortir premier de poule. Je pense qu'il n'y a pas photo. Après, au-delà du niveau de Shento, ce qu'on attend tous, c'est aussi quelle décoloration ils vont avoir. Oui. Si. En vrai, moi, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, chanceux sont les supporters qui étaient le jour où on enregistre hier sur la liste. Ils ont pu les voir en live. Mais j'espère qu'ils sont repassés chez le coiffeur pour faire le blond platine. Elle est aux mêmes couleurs que le maillot de l'équipe de France. Vous allez pas être déçus, les gars. Oh, il est dégueulasse, ça. C'est vrai qu'il est très, très coloré. Ça, c'est la façon politiquement correcte de le dire. Très coloré, ouais. Ah, les maillots, ouais, des beaux maillots, oui, je sais. Donc, du coup, ouais, je vois les Chinois sortir premier de poule et Shento deuxième. Je vois vraiment pas Itan venir titiller en fait Shento. Donc voilà. Ouais, bah moi je suis d'accord avec vous trois, je crois, puisque vous avez dit la même chose. Je confirme effectivement, je pense que j'adore Ethan, mais je pense que Benoît a effectivement perdu la raison et je les vois pas capables de battre Chento, qui est une paire que j'aime un peu moins pour le coup. Et effectivement, Feng Wang, je pense que ça va être du très très très solide. On va en reparler là quand on va parler médaille, mais. Mais je les vois pas avoir de problème dans ce groupe. Je pense que même des têtes de série 1, c'est peut-être ceux qui ont le plus facile, peut-être avec Zeng Wang. Et donc on va passer à la deuxième partie de ce podcast qui va être plus court, c'est nos médaillés. Aimez-vous le badminton? Oh, il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Oui, partie plus courte, puisque comme je l'ai dit dans l'intro, on ne peut pas faire les sorties de poule comme on le fait en simple, puisqu'il n'y a pas de tirage prédéfini. Tout ce qui est prédéfini, c'est que le groupe qui sortira premier de la poule A ira tout en haut du tableau, le groupe qui sortira premier de la poule D ira tout en bas. Les premiers des groupes B et C seront répartis dans les quarts de finale restants, donc voilà, et après les deuxièmes. Seront tirés au sort intégralement, ce qui fait que une poule, comme par exemple au Finals, une paire qui est sortie première, peut rejouer dès l'écart une paire qu'elle a jouée peut-être la veille ou l'avant-veille en poule. Tout ça pour éviter les magouilles et calculs des différentes paires. Donc voilà, c'est un format qui a ses qualités et ses défauts, mais qui nous empêche un peu d'y voir très très clair. Mais bon, du coup, ça va être sympa, on peut avoir des grosses surprises. Là, on va parler médaillé, et bah tiens, pour garder un peu de suspense, on va faire les médailles dans l'ordre. On va commencer par la paire médaillée de bronze. Et on va faire la bronze de tout le monde, puis l'argent, puis l'or. Benoît, tiens, je te laisse commencer. Qui vois-tu sur la troisième marche du podium pour ces jeux? Puisque je rappelle, contrairement à quasiment toutes les compétitions de bad, il y a un match pour la troisième place juste avant, avant la finale. Je sais pas si c'est une grande surprise, je pense pas, mais pour moi, c'est Oshae qui vont aller chercher la médaille de bronze. Ok. Bah, c'est difficile de prédire. En fait, c'est difficile de prédire, mais ça correspond parce que je les vois sortir premier de poule. Donc, ne pas prendre une des deux paires chinoises en quart. Donc, aller en demi et potentiellement perdre contre une de ces deux paires chinoises. Ok. Coupe, pour toi, qui va finir troisième de ces jeux? Je partage complètement l'analyse de Benoît là, sur ce qui est OK. Un bronze potentiel. Donc je valide aussi premier. Et pas d'exploit comme les mondiaux réédités, quoi. Ok. Je comprends. Et j'ai l'impression qu'on va tous se diriger vers un podium semblable. Et ça me plaît pas du tout. Oui. Mais ça va plaire un peu plus à la Chine, je pense. Oyo, qu'est-ce que. Qui vois-tu? Est-ce que tu vois Seo Chae comme Benoît, Coupe et moi, du coup? Ou est-ce que tu as un avis différent? Alors, j'hésite parce que, comme je disais tout à l'heure, Théo, il fait deux tableaux. Donc là, il va avoir quelques matchs dans les jambes là, quand il arrive en quart de finale. J'ai hésité en fait avec Watanabe et Higashino. Mais finalement, je pense que je mets quand même les Coréens en bronze. Si on suit nos pronos à tous, de toute façon, on imagine des demi-finales, si je comprends, chinois, coréen, chinois, japonais. Non, moi j'annonce, moi je t'annonce quelque chose de différent, Benoît. Okay. Moi j'annonce chinois, coréen contre chinois, thaïlandais, moi. Ah, ceux qui sortent pas de poule. Avec. Tu verras. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, mon pote. Non, mais tu vois, je vois bien un scénario giga frustrant pour avoir Anokro Teratanachai où il tape Seoshai en poule et il perd contre pour le bronze. Je te jure que ça va se passer comme ça. Je l'ai lu. Rémi, est-ce que tu as une réponse différente de nous quatre? Bien sûr, il faut bien tenter les paris. Oh non, pas Tom et Delphine, arrête! Non, faut pas abuser, Surtout que je les ai mis 3e, donc c'est pas possible. Allez, je tente le pari. Feng Guang, 3e. Oh! Ok. Si je me trompe pas, c'est toi qui nous avais annoncé que Yeli ferait médaille, ça veut dire qu'ils vont faire finale des jeux quand même. Ils vont faire finale des jeux, putain. je crois pas, il faut bien tenter les choses. Je me dis que Feng va faire un petit craquage avec la pression, il est au JO, ses premiers JO, il va arriver en demi, petite pression, des fois ça lui arrive de craquer, il fait un super début de tournoi et il va craquer sur une demi ou une finale. Mmh. Je me dis pourquoi pas là. Donc, craquage de Feng, même si sa partenaire l'a pourri, ça ne changera rien. Donc, Feng Yang, 3e, médaille de monde. Et je vais rester avec toi. Est-ce que Yeli, son médaillé d'argent, ou alors est-ce que c'est carrément les champions olympiques dans 2 semaines? Oh, vite. Non, Yeli, médaillé d'argent. Genre, ça prend 10 et 10 en finale, c'est ça ? En vrai, j'adore ce pari. J'adore ce pari. Oyo, qui vois-tu comme finaliste de ces jeux? Alors, moi, j'ai mis les Chinois. Zhang Wang contre Feng Wang. Et je vois sortir Zhang Wang, en fait, de la confrontation. Sortir gagnant? Donc Feng Wang deuxième, c'est ça? Ok. Moi j'ai mis la même chose, hein. Je pense qu'on est plusieurs à avoir mis la même finale, quasiment la même, donc qui a 3 ans à un Wang près. On rappelle que donc Feng Wang avait gagné, ce qui était quand même une surprise assez dingue à ce moment-là. Coupe, qu'est-ce que tu vois, toi? Ça va faire un beau match. Je vois la même finale effectivement entre Chinois. Mon cœur bat pour Zhang Wang, parce que franchement c'est la cerise sur le gâteau d'un palmarès exceptionnel. Un très bon gâteau. Ouais, magnifique. Mais j'adore Wang Dongping. Et je crois qu'elle est capable de transcender son partenaire et pourquoi pas d'aller arracher cette victoire et de faire le doublé, quoi. Et donc, je finis avec toi, Benoît. Donc, il y a eu des petits avis différents quand même. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que moi, je vois Zhang Wang parce que il manque ça à leur palmarès et leur légende est tellement immense que moi, j'ai envie presque qu'ils aillent chercher ce titre. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Coupe sur Wang Dongping. Si elle va chercher 2 titres olympiques contre Zhang Wang avec 2 partenaires différents, c'est clairement une perf all-time et vraiment ça méritera de se pencher dessus. Mais je pense quand même que Zhang Wang, là, ils sont en mission de fou furieux et quand ils l'ont été, franchement, ils se sont jamais ratés en vrai. On pourrait citer les Jeux de Tokyo, mais est-ce que c'était... Oui, ils voulaient les gagner, mais est-ce que c'était réellement une mission? Je sais pas. Là, pour moi, vraiment, ils vont être en mode rouleau compresseur. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Alors, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis sur Wang Dongping, que si elle gagne, elle fera une perf historique. Mais on a déjà vu, même si Feng est très fort, on a déjà vu que ce n'était pas Wang Yiliu. Et moi, je pense que, comme Rémi l'a dit d'ailleurs, je crois, je pense que je le vois bien être... Peut-être pas forcément, il va pas s'effondrer psychologiquement au final des jeux, mais ne pas réussir à sortir son meilleur niveau au meilleur moment, ce que Zhang Wang arrive à faire assez souvent. Donc je vois bien Zhang Wang, on va dire, rétablir un peu, réparer cette incongruité qu'ils n'aient pas encore de titre olympique et aller le chercher à Paris, ce qui serait, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Coupe, une logique et surtout voilà, l'aboutissement d'un partenariat assez incroyable. Donc voilà, un peu de tout dans ces palmarès. Vas-y Coupe, ouais, je t'en prie. On peut noter quand même que Feng Wang, c'est quand même les derniers vainqueurs des IFB. Hein. Ouais. Et donc dans cette salle, donc c'est pas neutre non plus comme stat. Donc voilà, beaucoup disent que la salle a quand même un impact sur le jeu pratiqué. Donc avoir gagné dans cette salle, c'est un facteur aussi de confiance pour Feng Wang. C'est vrai. Alors que Zheng Wang était passé à côté, donc était allé un peu passer à côté. Je crois qu'ils sortent en quart contre les Thaïlandais. Donc ça peut jouer effectivement. Justement, je mets un petit bémol par rapport au niveau de Zheng Wang. Ils ont connu en fait une période où ils n'étaient pas à leur niveau. On les a vus revenir dernièrement, mais il y a une petite incertitude aussi à ce niveau-là. Mmh. Mmh. Si Zheng Wang perdent encore les JO, par contre, c'est les Li Chongwei du mixte. Hein. Wow. Ouais, avec un palmarès un peu plus fourni quand même. Enfin, un palmarès, ouais, je veux dire, un palmarès au niveau grand titre, c'est-à-dire ils ont quand même des petits championnats du monde dans leur sac, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Mais niveau JO, ça veut dire qu'à chaque fois, ils vont en finale, ils perdent. Et il y a quasiment Li Chongwei qui l'a fait, quoi. Effectivement. Mais là, je pense que ça va être la bonne. J'y crois pas mal. Voilà, et bien voilà nos petits pronostics avec pour les sorties de poule et les médaillés. Voilà, je vais vous laisser rajouter un petit truc pour finir. Rémi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau ou sur les matchs ou sur les jeux en général? Bah, si je me plante, je vais être ridiculisé sur le Discord du One Chapel. C'est vrai, mais on fait confiance à tous les membres du Discord et pour te mettre devant tes responsabilités, sauf que je précise aussi que les previews étaient ouvertes à tous et surtout aux membres du Discord et que beaucoup qu'on entend beaucoup, on les a pas entendus, donc toi t'es venu et en plus t'as fait des pronostics assez risqués, donc je pense que ça se respecte même si Yeli se font sortir sans gagner un set. Après, vu mes pronos de cette année sur le Discord, théoriquement, je devrais être pas trop mal. Hein. C'est vrai. Ouais, ah mais là, et t'arrives encore à flex avec ton classement bien joué. Tu t'emballes un peu trop parce qu'on reçoit le boss des pronos pour une autre preview et je pense qu'il peut te mettre à l'amende. Ah, on verra. Ça va être intéressant. Oyo, le mot de la fin pour toi. J'espère qu'on va assister à de beaux matchs. En tout cas... Les affiches sont belles. Et allez les bleus. Hein. Et bah oui, très. C'est concis, j'aime bien. Et Coupe. Ouais, moi aussi, j'aurais aimé sortir la petite paire de derrière les fagots, mais je crois qu'on aura du 100% chinois en finale et les JO qui vont quand même être encore marqués par les Chinois dans tous les tableaux. Ouais, une petite pensée d'ailleurs pour Zhang Wei qui va regarder ça à la télé alors qu'ils avaient largement le potentiel pour être médaillés. Mais bon, il n'y a pas de place pour toutes les paires chinoises et ils vont devoir cravacher s'ils en veulent une à l'avenir, je pense. Benoît, j'ai une petite question spécifique pour toi. Le mixte, pendant souvent, et surtout dans le podcast, c'était souvent le tableau qui nous régalait. Moi, j'ai trouvé que cette saison, c'était un peu moins le cas. On a vu des bons matchs, mais pas forcément des matchs de fou furieux comme des fois dans d'autres tableaux. Est-ce que là, on va se régaler ou alors est-ce que la logique va être respectée dans la plupart des matchs et ça va pas être forcément du grand spectacle? Qu'est-ce que t'en penses? Justement, c'était ce que je voulais dire. C'est que contrairement au simple ou au JO, on se régale pas peut-être dès les poules. Franchement, je pense que je raterai aucun match du mixte et que à partir des quarts de finale, le niveau va être vraiment stratosphérique. Ouais, en vrai, je me faisais un peu l'avocat du diable, on va dire, mais j'ai un peu le même avis. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Moi, je promets pas que je vais rater aucun match, mais en tout cas, ouais, il y a dès les poules, il y a des grosses affiches. On en a parlé, mais tout ce qui se passe dans la poule C, le Puavarano Crotter, Athanas Tchaï, Table Olympique ou même contre Seo Chae, franchement, je pense qu'on va se régaler. Et on espère, voilà, la cerise sur le gâteau, un exploit ou même des exploits de Tom et Delphine, ce serait franchement incroyable. En tout cas, merci Nicolas et Rémi d'être venus. C'était très très cool. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci beaucoup. Ouais, merci, c'était très cool aussi. Merci à vous les gars, c'était super. Eh ben merci encore merci à vous et merci à toi Benoît d'avoir organisé tout ce tournage d'épisode qui était pas facile puisque voilà pour qu'on soit 5 qui est entre parenthèses un record pour nous, je pense qu'on n'avait jamais fait d'enregistrement à 5, c'était pas facile mais merci beaucoup pour ton gros boulot. Bah merci à vous quatre les gars, c'était pas simple parce qu'on a tous nos contraintes perso mais on s'est tous débrouillés pour être là et franchement c'était très très cool de pouvoir tourner à 5 et de discuter du double mixte. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Comme pour le double dame, hein, y a pas de raison que nos trois invités du jour et nous deux soyons les seuls à prendre des risques. Donc on vous attend sur le Discord et en commentaire de nos épisodes de donner peut-être aller pas forcément tous les matchs, mais vos trois médaillés, on aimerait bien. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire si une phrase ou un pronostic donné dans cet épisode vous a fait bondir de votre siège ou alors si vous êtes plutôt d'accord avec nous. Merci encore de nous écouter. On va faire les 5 tableaux. Avant les jeux, ne vous inquiétez pas, on va sortir ça, tout ça très rapidement. La prochaine, je pense pouvoir vous dire qu'il s'agira du double homme. On espère que vous serez encore au rendez-vous. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中。